12, 11, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. J'ai mal partout. A. Oh, j'ai mal au cou, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux jambes. Oh là là, mais ça a l'air très grave. Oh, j'ai mal au cou, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux jambes. Oh là là, mais ça a l'air très grave. B. Ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, ça me gratte. C'est pas grave. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, ça me gratte. C'est pas grave.